Les belles rencontres. Bonjour, je me présente, je m'appelle Anne Bergeron, je suis une artiste à peindre de Dodgeville. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une artiste du Haut-Saint-François qui va nous parler de son œuvre et sa démarche artistique, Chantal Gauvreau, qui est une sculpteur renommée de Widom. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors, Chantal, tu pourrais-tu nous parler, c'est quoi vraiment ton médium? Comment t'es arrivée à dire, oh, c'est ça que je veux faire, ta démarche, ton parcours? En fait, moi, j'ai commencé à travailler en travaillant le métal. J'avais rencontré un Sud-Américain, Patricio Rivera, qui faisait des murales en cuivre. Il avait fait ses arts au Chili. Puis, il m'a appris son métier. Puis, il est mort subitement à 50 ans. Mais comment t'es arrivé pour dire que tu l'as connu? T'es allé faire un voyage? Non, je l'ai rencontré chez eux. Il restait à Sherbrooke. Il restait à Sherbrooke. OK. Ouais. Et toi, t'es originaire de l'Estrie, donc c'est pour ça que tu l'avais rencontré. Par hasard. Puis, j'ai trouvé ça bien intéressant, ces murales. Là, j'ai appris à travailler cuivre, à marteler cuivre. Après ça, ben, étant donné que j'étais dans le métal, je m'intéressais aussi à la fonte du métal, donc j'ai été suivre des cours à Inverness pour fondre le travail à la cire perdue, puis après ça la bijouterie, j'ai travaillé l'argent, l'or. J'ai été suivre après ça une formation pour travailler des petites pierres. Et c'est en travaillant la petite pierre, ça m'a intriguée, j'ai trouvé que c'était moins toxique que travailler le métal. Puis je voulais souligner aussi que Inverness, c'est la seule place en province qui a le... qu'on peut... c'est une fonderie pour... Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, ouais. OK. Inverness, donc, c'est la plus connue. C'est la plus connue, OK. Fait que c'est ça qui peut faire aussi des assez grosses pièces, là, de bronze, mais il y a beaucoup de petits fondeurs. OK. Mm-hmm. Puis en fin de compte, ça, je trouvais que ça coûtait quand même assez cher, aller à Inverness. Donc, j'ai dû suivre un cours à Montréal pour fondre moi-même, tu sais, chez moi. Avec une technique égyptienne. Mais comment t'as pensé qu'il y en avait un cours comme ça à Montréal? Tu savais qu'ils se donnaient des cours comme ça? Ouais, ben, j'étais amie avec José Poulain, qui était un métier d'or. Oui. Et elle faisait souvent affaire avec ce professeur-là qui enseignait à l'école de métier d'or, mais il donnait aussi des petits cours chez eux. Puis là, il m'a donné des cours sur le travail de la pierre. Mm-hmm. Travailler avec lui, mais c'était des pierres très dures, puis j'ai jamais été portée sur les petites pièces. C'est qu'à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui arrivait du Nunavut, puis qui avait fait une pièce en pierre à savon, ben simple, mais je trouvais ça beau. Mm-hmm. Ah, j'ai dit, t'as travaillé avec les Inuits? Il dit, oui, ben je peux te le montrer, viens chez moi 2 heures, je vais te donner un coup, puis après ça, je me suis lancée plus dans la pierre à gros volume. Oui, dans la différentes pierres, j'imagine. Moi, c'est plus l'albâtre qui est ma pierre préférée. Puis sur quelle pierre que tu as déjà travaillé aussi, parce que tu as un éventail de. Ben, j'ai travaillé sur des. Ben, c'est sûr, au début, on travaille la stéatite, après ça, on s'en va plus dans l'albâtre, après ça, dans le marbre, on va dans le calcaire. Mm-hmm. On revient dans l'albâtre, parce qu'il y a plus de variété dans la couleur, il y a plus de variété dans les veines. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a plus de c'est plus facile, c'est plus agréable de voir les couleurs qui sont transparentes dans l'albâtre. Il y a des différences d'albâtre. Il y en a qui ont de la luminosité, d'autres pas. OK. Il y en a qui sont plus poreuses que d'autres. Ça dépend de quel pays ça vient. Il y en a qui viennent de l'Utah, d'autres qui viennent d'Italie. Ça peut venir au Québec. T'en as de la Madeleine, mais pas translucide. Puis où tu l'as fait parvenir, ton albâtre? Je l'achète un Polonais, qui reste à Montréal. Ah oui. Il fait venir de partout, puis il y a un grand plancher bien plein de pierres. Mm-hmm. Tu choisis le bloc que tu veux, puis il pèse ton pot. OK. Dépendamment de la qualité de la pierre, le prix va varier. Ça veut dire que toi, tu seras à Montréal pour faire... Pour acheter. Ta démarche artistique, si on peut en parler, là, ça serait quoi exactement? Mais en réalité, moi, j'aime beaucoup... les impacts de la lumière sur la pierre. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps. Mais moi, j'ai pas une démarche conceptuelle. Mm-hmm. C'est toujours des expériences avec des matériaux. Puis okay. ça me donnait un effet qui me faisait un effet. Puis j'étais surpris moi-même de ce que je faisais. Puis c'est sûr que la beauté des pierres, pour moi, c'est un peu comme la beauté de la nature. Mm-hmm. Souvent, on peut prendre une pierre qui est assez brute, puis quand on l'a polie, après, on est surpris mm-hmm. par ce qui ressort. C'est pas tellement moi, finalement, qui fait l'œuvre, on pourrait dire. Oui, je comprends. Tu laisses parler la pierre, puis on dirait que tu saisis le... C'est en contact direct. Par la beauté de la pierre, c'est ça, tu penses pas nécessairement au début, bon, qu'est-ce que je vais faire, puis tout ça, ça vient tout seul au moment que tu commences à sculpter. Puis différemment du métal ou le contact physique de la main avec le métal, je trouve ça un petit peu, j'aime pas ça. Toucher une pièce de métal, j'aime pas ça. OK. Ça, le métal rentre dans la peau. C'est désagréable un peu. Oui. C'est patine, tout ça. Tandis que la pierre, on aime ça, tu sais, toucher à ça, ben, c'est fini. Puis comment tu sculptes? Est-ce que tu sculptes avec un couteau? Est-ce que tu mets de l'eau? Comment tu fais ton modèle? Ben, je travaille avec deux outils électriques. Là. C'est le buffer électrique, le grinder, en tout cas, je ne suis pas en français, je comprends plus ça. En tout cas, puis aussi un appareil à dentiste, là, des petites meules pour les détails. Ah, oui, oui. Ben, c'est sûr que je pourrais travailler avec un compresseur à air, non? Mais il faudrait que j'ai une installation plus intérieure. Moi, je travaille dehors, parce que tout le temps. À cause que tu mets de l'eau sur ta pierre? Non, à cause que je me suis trop maganée le poumon en travaillant. Ah oui, OK. Avec la poussière de pierre. OK. Les taches au poumon, finalement. OK. Donc, je veux pas travailler en dedans. OK, mais quand tu travailles dehors, t'as pas besoin de mettre de masque, rien? Ben, ce serait mieux que j'en m'attende. OK. Tout le monde s'attend avec un masque. Ben oui, c'est ça, oui. Ouais. Est-ce que c'est un travail aussi qui est très physique, hein, qui doit demander beaucoup de force? Oui, une certaine énergie physique, mais c'est sûr que si tu travailles en petit, pas de problème. Mais toi, c'est plus des gros volumes. Ouais. Mais les sujets qui ressortent de tes pierres, de ta pierre, la barre, c'est quoi qui vient? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères faire? Ben, moi, c'est comme quand je couche dans mon lit, c'est un peu niaiseux, mais quand je couche dans mon lit, je regarde les nuages. Où je regarde, il y a comme des poutres debout. Oui. Ben, je vois toujours des visages. Ok, tu vois. Les nuages transforment en visage, puis des poutres debout. Puis, tu sais, il y en a qui voient, je me suis, j'ai donné un cours à une femme qui travaille au musée Bon. Je pense qu'elle s'occupe du musée Bon. Puis elle faisait juste des animaux. Elle faisait juste des animaux. Elle était entourée d'animaux, elle vivait dans une fermette. Moi, je vois toujours des visages. Des fois, je tannine un peu. Ça devient un peu obsessionnel. Tu vois des formes, des yeux, des choses tout le temps. Fait que c'est ça qui t'arrive quand tu commences à travailler la pierre. C'est la première chose que je vois. OK. Ouais. Alors qu'une autre personne peut voir d'autres choses, c'est ça que je vois. C'est ça que tu vois, mais c'est à ça que tu fais toujours maintenant. Ben, mais tantôt, il me semble que tu parlais de masques égyptiens, des choses comme ça. C'est parce que les Égyptiens, ils représentaient toujours... Toutes les arts archaïques représentaient des visages d'une certaine façon. Les Aztèques, les Égyptiens, les Africains, ça revient toujours un peu comme au masque, ou un visage, ou t'as un corps, mais c'est le visage qui prend le dessus. À cause de l'expression aussi. Voilà. Là, j'ai essayé de travailler un peu plus au niveau de la forme en général, du volume de la pièce, plutôt que de travailler juste au niveau du visage, parce que j'étais un petit peu tannée, moi, de moi-même, dans le fond. On se tente des fois. Mais malgré ça, tu donnes toujours une âme à ta pierre. Tu sais, t'essaies de faire ressortir quelque chose, c'est un... Bon, c'est la pierre qui sort. Des fois, je me demande si moi j'ai quelque chose à sortir, c'est pas la pierre qui me montre quelque chose. Ouais, non, c'est ça. Cool. En réalité, la pierre, c'est de l'énergie lente, hein. Ouais, c'est surprenant, en fait. Ouais. Et puis, est-ce qu'on peut avoir un endroit où est-ce qu'on peut admirer tes œuvres? Ouais, la galerie des artistes du canton à Magog. À Magog, oui. Puis je pense que c'est pas loin de la rue principale. Ben, t'as la rue principale, t'as la rue Laurier, comme sur le côté, puis il y a plein de sculptures dehors de d'autres artistes, donc c'est assez facile à trouver. Puis je voulais te demander aussi, est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça, t'es dans le domaine artistique, même si t'as commencé, là, ça fait longtemps, ça ça fait 25 ans. Mais j'ai jamais travaillé comme les gens travaillent à tous les jours. Okay. Ça, je pourrais apporter, ça serait pas possible. C'est vrai que ça épuisait. Oui, puis aussi l'inspiration, ça peut pas venir comme ça quand tu dis... Parce que moi, je suis quelqu'un qui se tente de faire la même activité. J'ai besoin de faire 3-4 activités. Puis à un moment donné, c'est comme une passion. Ah, là, je fais de la sculpture pendant 2 mois. Oui. Mais je suis pas quelqu'un qui va aller faire du 9 à 5. Ça serait la pire chose pour moi, ça serait ma façon de tuer mon intérêt. Oui, je comprends. Qu'on est tous différents. Oui, oui, parce que ça serait trop cartésien, et puis toi, ben, c'est plus par le senti que tu vas... C'est un peu, physique aussi. Faut peut-être comme je fais du canot. Ouais, j'ai le goût de faire descendre des rivières. Mm-hmm. Ou deux mois de canot, regarde, cette année. Mm-hmm. Un peu pour moi, vu que ça me demande beaucoup d'énergie physique. Comme que j'ai un besoin d'aller dépenser mon énergie là-dedans. Ouais. Puis à un moment donné, je m'épuise. Mm-hmm. Mais c'est cette énergie-là que tu as dans le canot, tu la transposes aussi à un moment donné dans ta sculpture, parce que c'est de l'énergie aussi de la nature. Ouais, mais c'est différent. C'est un peu, c'est interrelation aussi. Ouais. Tu retrouves ta nature un peu différemment, là. Dans ta pierre ou dans la nature, là-dessus. Ben, souvent, que nous, j'ai eu des rivières extraordinaires. Des rivières qui partaient de mines d'agate, là. Mm-hmm. Oui, c'est vrai qu'il y a de l'agate. Hein. Puis là, tout le sous-sol de la rivière, c'est juste des roches blanches, roses. Même quand je fais du canot avec d'autres personnes, ils arrêtent et ils ramassent les pierres, tellement qu'ils sont belles. Mm-hmm. Et là, à un moment donné, ça devient trop lourd. Mais oui, l'agate, c'est lourd. Oui, c'est lourd. Oui, c'est des grosses. C'est vraiment des belles pierres qu'il y a là-bas. C'est extraordinaire. Mm-hmm. Mais quand tu fais des voyages comme ça, tu t'en apportes pas de pierres, mais tu restes avec l'idée de la. Ben là-bas, les rivières sont translucides, hein, contrairement à toutes les autres rivières du Québec. On voit à travers eux. Mm-hmm. Puis les couleurs des roches sont roses, blanches, ça... Puis il y a comme une espèce de mica, qui fait que ça devient comme brillant. Ça vient vraiment, vraiment beau. Fait que c'est toi, la sculpteur, qui vois ça. Oui, mais là, je suis émerveillée par tout ce qu'il y a dans ton dos. Qu'est-ce que tu pourrais faire aussi avec ça? Ben, je pourrais pas vraiment, parce que ça fait extrêmement dur. Ah oui. Ouais. Puis l'albâtre, mais est-ce qu'il y a beaucoup de couleurs qui ressortent? Ouais, tu peux avoir au moins une vingtaine de couleurs différentes, si n'est pas plus. Ouais. Est-ce que c'est par la couleur, des fois, que tu vas décider, mais que tu sens que le sujet va apparaître? Ou bien si. Ben, tu peux avoir la couleur, mais tu peux avoir la translucidité de la pierre, okay. La veine qu'il y a dedans. OK. Aussi le grain de la pierre. Mm-hmm. Par exemple, je sais pas, moi, si tu prends un albâtre des îles de la Madeleine, il y en a deux sortes, un gris puis un rose. Ben, c'est comme des albâtres très opaques. Mm-hmm. C'est un petit peu rough, c'est un petit peu granuleux. Fait que tu peux pas faire la même chose, des fois. Tu peux pas laisser passer de lumière, tu peux pas faire un produit raffiné. C'est ça, fait que c'est en fonction aussi de la pierre, que tu peux sentir ce que tu peux faire, ou bien qu'elle te transmet son message. Oui, mais des fois, t'as des pierres, comme j'ai vu, des belles pierres vertes translucides, extraordinaires, mais... En les travaillant, ils étaient tellement fragiles que la sculpture s'est effondrée sous mes mains. Mm-hmm. Ça, c'est un petit peu... À fin de compte, ton parcours artistique, ta démarche, c'est par les opportunités que tu as rencontrées, des gens qui t'ont montré, ou que tu étais à l'affût de les regarder, puis ça l'a... Ben, j'aimais ce qu'ils faisaient, puis j'étais attirée par le produit et par la personne. Mm-hmm. Puis j'essayais, comme bien du monde, d'essayer de m'accaparer les connaissances techniques un peu pour essayer de faire quelque chose. Mm-hmm. Puis finalement, à force d'essayer d'une chose à l'autre, on finit par trouver un peu son style. Oui, c'est ça. Ouais. Il faut pas lâcher, il faut toujours, quand on aime quelque chose, on expérimente de plus en plus, puis ça fait un éventail de... L'expérience. Je dirais qu'il faut pas se décourager. C'est ça la fin. Des fois, on se tanne pour des histoires d'argent ou autre. Mais en réalité, moi, je divise ma saison en plusieurs sections. Comme là, je prends les mois d'hiver, hein, pas travailler la pierre d'or. Mais non. Et là, je vais faire je vais ranger mes portfolios, je vais faire mes demandes aller voyager pour faire des choses ailleurs. Mm-hmm. Moi, je gère mon temps de cette façon-là comme artiste. Ouais. Puis il y a des périodes où là, je vais aller voyager pour aller chercher de la pierre. Mm-hmm. C'est plus agréable de voyager en auto aller chercher cette pierre-là à ce moment-là. Mm. Puis c'est plus agréable de travailler l'automne la pierre que quand il fait extrêmement chaud l'été. Oui, c'est ça. C'est ça, il faut que je joue avec les saisons. Oui, c'est ça. T'es proche des éléments de la terre. C'est ça. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Tout est beau, puis j'espère que faire des belles entrevues avec tous les autres artistes. Mais merci, Chantal. Merci beaucoup pour cet entretien, puis ta généreuse collaboration. Puis je te souhaite une belle continuation dans tes magnifiques créations artistiques. Merci.